Attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, il est midi ce 20 juin 2006 et vous vous préparez à écouter 106 sur 106,6 MHz de Radio Campus, mais aussi sur campusil.com et même DAB+, Angle d'attaque, une émission proposée par les trois comités locaux de la métropole lilloise. Attaque, A2TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Au micro aujourd'hui, Morgane, René et moi-même. Aux manettes. Et donc, René, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Alors oui, de quoi parlons-nous aujourd'hui ? Eh bien, nous faisons un petit retour sur l'économie sociale et solidaire. Il y a quelques années, rappelez-vous, nous avions consacré une série d'émissions sur ce thème. Aujourd'hui, nous allons parler du contrat entrepreneur salarié associé, qu'on appelle aussi CESA. Un modèle particulier, encore trop peu connu certainement, et qui est proposé dans le cadre des coopératives d'activité et d'emploi, c'est-à-dire qu'on appelle aussi CAE. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Virginie Cora. Bonjour Virginie. Bonjour. Qui est entrepreneur salarié associé à Grand Ensemble, une coopérative d'activité et d'emploi de la région lilloise. Et donc voici déjà la première question, donc Virginie. Vous exercez votre profession de traductrice-interprète, c'est ça ? Oui, assermentée. Assermentée, oui. Dans le cadre d'un contrat entrepreneur salarié associé au sein d'une coopérative d'activité et d'emploi. Et vous êtes également administratif et référente handicap dans cette même coopérative. Alors, pouvez-vous nous expliquer quelles sont les spécificités du CESA, enfin du contrat ? Alors, le CESA, c'est une loi du 31 juillet 2014 qui l'a mis en place. Donc, avant cette loi, c'était des CDI tout à fait classiques hein, qu'on mettait en place dans les CAE. Et depuis le 31 juillet 2014, les CAE ont été obligés de faire muter les CDI vers des CESA. Donc, c'est un contrat qui dépend du droit du travail, mais sans le lien de subordination juridique. Donc, vous avez le statut de salarié, comme un salarié ordinaire en termes de sécurité sociale, en termes de protection sociale, et vous dépendez également des prud'hommes en cas de problème, mais vous n'avez pas la subordination juridique, qui est quand même habituellement la clé de voûte du contrat de travail. Hein. On définit un contrat de travail par ce critère de subordination juridique. Et c'est souvent ce critère-là que les juges utilisent justement pour reconnaître un contrat de travail quand ils doivent requalifier un contrat. Mais là, justement, c'est un contrat de travail sans subordination juridique. Là, c'est la clé de voûte du salariat, on peut dire. Oui, en voilà. Général, donc on est en train d'inventer un salariat qui, sans cette clé de voûte, donc, c'est-à-dire un salariat plus libre, on va dire, hein, puisque l'intérêt, c'est que vous avez, moi, ce que j'ai souvent tendance à dire, on a tous les avantages du salariat et tous les avantages de l'entrepreneuriat en termes de liberté. D'organisation, de liberté de choisir ses horaires de travail, liberté de... Voilà, on a tous les avantages de l'entrepreneuriat sans les inconvénients ni de l'un ni de l'autre. C'est souvent ce que j'ai tendance... Dans une certaine mesure aussi, peut-être choisir ses contrats. On choisit ses clients. Ses clients, oui. On choisit nos clients. On est des entrepreneurs, donc on doit développer nous-mêmes notre clientèle. Hein. Ce n'est pas la CAE qui va nous chercher nos clients. Hein. C'est vraiment, il faut avoir... C'est aussi ça qui est quand même important pour pouvoir avoir un CESA dans une CAE. Il faut avoir une posture entrepreneuriale. Et est-ce qu'il y a plus... dans la coopérative, il peut y avoir différents types d'activités. Oui, alors, il y a en particulier à Grands Ensembles, qui est une coopérative généraliste. Il y a plusieurs types de coopératives dans les Hauts-de-France. Donc, Grands Ensembles, c'est une coopérative généraliste, mais qui a quand même la certification Calliope, ce qui en fait également un organisme de formation. Donc, on a à peu près 30% de nos coopérateurs qui sont des formateurs. Et qui sont eux-mêmes entrepreneurs. Oui, qui sont entrepreneurs, donc des formateurs indépendants. D'accord. Voilà, et qui bénéficient du coup de la certification Calliope, Parce que quand on est un entrepreneur seul, quand on est plutôt un formateur indépendant tout seul, avoir réussir à obtenir cette certification, c'est vraiment un casse-tête administratif qui est inimaginable. Alors que là, on bénéficie de la structure qui va l'obtenir et qui va faire toutes les démarches administratives. C'est vraiment Calliope, c'est vraiment administrativement, c'est lourd, c'est extrêmement lourd pour une personne seule. Oui, c'est pour ça que souvent c'est dédié à des entreprises de formation spécialisées, voilà. Mais là, ça permet de mutualiser cette lourdeur administrative. La lourdeur administrative est mutualisée et donc ça permet à des gens seuls de pouvoir devenir formateurs et de bénéficier de cette certification, à condition évidemment quand même de respecter toutes les conditions Calliope, hein, évidemment. Évidemment. Donc, sinon, il y a d'autres coopératives dans les Hauts-de-France qui sont plus spécialisées. Par exemple, on a Toerana qui est spécialisée dans le bâtiment. Ah oui. Et alors, l'intérêt de mutualiser dans le bâtiment, c'est quoi? C'est l'assurance obligatoire, la garantie décennale. Qui est obligatoire pour tous les artisans qui opèrent, qu'ils soient plombiers, qu'ils soient n'importe quoi, qui opèrent dans le bâtiment, il faut la garantie décennale. Or, cette garantie coûte excessivement cher et là encore, elle est mutualisée. Donc, ça permet... moi-même, ma responsabilité civile professionnelle, c'est Grands Ensembles qui prend le contrat. Hein, c'est donc, à partir du moment où vous adhérez à Grands Ensembles, vous bénéficiez automatiquement d'une responsabilité civile professionnelle. Qui est fournie par la coopérative. Donc, Toerana fournit la garantie décennale. Mmh. Vous avez aussi des Tilt, qui est à Lille et Dunkerque, qui est plus spécialisé dans la transition écologique. Donc là, c'est l'accompagnement qui va être plutôt différent et le réseau qui va être différent. Voilà. Et sinon, après, c'est plus en termes de territoire. Il y a d'autres coopératives généralistes dans les Hauts-de-France, mais sur d'autres territoires. Mmh. Alors que Lille, Grand Ensemble, c'est vraiment pour Lille, la métropole. Ah oui, il y a quand même un ancrage local. Il y a un ancrage local plus sur Lille. Si on va du côté de la Côte d'Opale, ça va être d'autres. Ça va être le groupe, ça s'appelle. Du côté de Lens, ça va être Coop Connexion. Alors, il y avait une coopérative spécialisée dans le service à la personne qui était Alterna. Mais qui s'arrête, qui s'arrête. Elle n'existe plus actuellement. Et je vais citer aussi Opteos parce que j'y étais par le passé, qui est plus orienté innovation sociale et numérique, mais qui est assez généraliste aussi. Oui. Voilà. Il y a également une coopérative qui est spécialisée dans la communication et qui est une branche de Grands Ensembles qui s'est détachée de Grands Ensembles et qui a pris son indépendance. Bien fait on pour est bien com, là. Hein, oui, c'est ça. Bien fait pour ta com. Bien fait pour ta com. Ouais. Ok. Donc voilà, c'est une possibilité aussi quand une branche de métier devient trop lourde à porter parce qu'on veut garder taille humaine, quoi. C'est ça aussi la coopérative. On cherche à garder une taille humaine, on ne cherche pas à avoir des milliers de coopérateurs. Donc à un moment donné. Il y a un juste milieu à avoir entre être suffisamment pour mutualiser suffisamment. Voilà, c'est ça. Et puis qu'il y ait aussi un vrai esprit coopératif. Voilà, un vrai esprit coopératif, mais pas trop pour pas que ça soit déshumanisant. Exactement. Exactement. Donc à un moment donné, quand il y a un groupe de métiers qui commence à acquérir beaucoup de poids, on les encourage à prendre leur envol et à créer leur propre coopérative spécialisée dans leur groupe de métiers. Et on peut faire un accompagnement dans ce sens aussi. On ne cherche pas à garder absolument tout le monde. Non, c'est vraiment un système coopératif, quoi. Hein. Ce n'est pas de la compétition. Donc, on ne cherche pas Sur l'accompagnement, comment... parce que du coup, ça sert aussi pour des personnes qui ont un projet entrepreneurial, de les suivre au début de leur projet, de les accompagner aussi, de les former à l'entrepreneuriat. C'est pas ce qu'on appelle le CAPE. Voilà. Oui, le contrat CAP. Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est le contrat CAP, c'est un contrat qui est là aussi totalement formalisé légalement hein, et qui se trouve dans le code de commerce. Donc, c'est un contrat qui est régi par le droit commercial. Mais néanmoins, dès que vous êtes en contrat CAP, vous bénéficiez tout de même de la protection sociale d'un salarié. D'accord, oui. Et vous pouvez cumuler avec toutes vos aides sociales. Puisque tant que vous êtes en contrat CAP, vous ne touchez pas encore de salaire. Vous cagnotez, ce qu'on appelle on cagnotte. C'est-à-dire que vous commencez à lancer votre activité. Vous commencez éventuellement à faire du chiffre d'affaires, mais il ne vous sera pas reversé tout de suite. puisqu'il faudra déjà avoir une certaine cagnotte pour pouvoir commencer à vous faire verser vos premiers salaires. Et pendant ce temps, qui peut durer 2-3 ans, pendant le temps où vous cagnotez, le temps que vous lancez votre activité, en fait, hein, parce que ça prend quand même du temps de lancer une activité, ça ne se fait pas du jour au lendemain, vous êtes accompagné pendant tout ce temps-là, vous cagnotez et vous continuez à toucher éventuellement toutes les aides sociales auxquelles vous avez droit. Ça peut être le chômage, ça peut être l'AAH, ça peut être n'importe quel type d'aide sociale auxquelles vous avez droit. Vous les touchez sans perturbation, en fait, sans avoir ces roulettes russes, enfin non, ces montagnes russes administratives avec des fois où votre RSA, par exemple, où vous avez un mois où vous avez zéro, un mois où vous avez... Voilà. Parce qu'en fait, là, même si vous faites du chiffre d'affaires, pour l'administration, c'est zéro de revenu. Parce que vous ne touchez pas de salaire, sauf si vous le voulez. Mais normalement, tant qu'on n'en a pas assez de trésorerie, on ne va pas toucher de salaire. Et donc, on a la totalité du chômage ou d'autres aides. Voilà, c'est ça. Ça n'impacte pas les aides sociales. Et ça permet de faire une trésorerie. Ça ne fait pas la montagne russe administrative. On reste en quelque sorte sous le statut salarié. Salarié pour la protection sociale, oui. Mais sinon, c'est vraiment un contrat qui dépend du code du commerce. Donc là, ce serait pas, je pense que ce ne serait pas les... Il est formalisé dans le code du commerce. On a un salaire, mais il a 0 euro tous les mois, il me semble. Enfin, une fiche de paye. Enfin, chez Opteo, c'était comme ça. On avait une fiche de paye à 0 euro. Je ne sais pas comment ça se passe à Grand Ensemble pour le contrat CAP. Ça fait longtemps que je ne suis plus en CAP, donc j'ai un peu oublié. Donc c'est pour ça qu'on est salarié, mais à 0 euros. C'est vraiment très particulier. Enfin bref, c'est un détail. Moi, je sais que mon premier salaire à Grands Ensembles, au tout début de mon activité, quand j'ai commencé à être en CDI, puisqu'à l'époque, les CESA n'existaient pas encore, c'était 32 euros, quoi. Mais ça monte progressivement. Bien sûr, c'est le but. C'est le but. Et il y a aussi l'aspect associé. Donc, la personne sous cette forme de contrat... comme elle est associée, par rapport à la coopérative, est-ce qu'il y a du... Alors, elle a le statut de sociétaire au sens de la loi de 47, hein, qui est extrêmement ancienne et qui a mis en place les coopératives. Donc là, pour l'aspect sociétaire, la partie A du CESA, c'est la loi de 47 qui s'applique. C'est le statut de la coopération. Oui. Et là, il n'y a pas eu de loi nouvelle à ce niveau-là, puisque les coopératives existent depuis déjà très longtemps. Mmh. Hein, donc ça, ce n'est pas une nouveauté, les coopératives. Ce qui est nouveau, c'est vraiment le CESA, quoi. C'est la loi d'un salarié ou une salariée dans une coopérative est obligée d'être associée au bout d'un moment. C'est ça, au bout de deux ans. De verser une partie de son salaire. Oui, effectivement, il y a un pourcentage de notre salaire. De son salaire comme part sociale. Et puis, on est aussi, quand on devient sociétaire, il y a un nombre de parts à acheter, une 10 parts, voilà. Il y a un petit investissement à faire pour devenir sociétaire au bout de 2-3 ans pour passer de CAP à CESA, puisque là, on devient officiellement sociétaire à ce moment-là. Et là, il faut effectivement débourser à Grands Ensembles, désormais, c'est 300 euros. Pour acheter les parts qui vont vous permettre de devenir sociétaire. Et je voulais dire aussi, est-ce qu'il y a une forme de solidarité aussi entre les sociétaires, notamment au plan professionnel pour s'entraider Oui, alors en plus, particulièrement, je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les CAE, mais je pense que certainement que oui, mais en tout cas, à Grands Ensembles, comme on est aussi un organisme de formation. Ah oui. C'est vrai qu'il y a un accompagnement au niveau de la formation pour justement essayer d'acquérir cette posture entrepreneuriale qui n'est pas forcément une évidence pour tout le monde au départ. Donc, retravailler sur son profil, sur son pitch. On va avoir des formateurs spécialement justement qui vont animer des ateliers puisqu'on fonctionne aussi avec un budget contributif. Ah oui. À Opteos, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Donc, d'ailleurs, je crois qu'on s'est inspiré d'Opteos pour mettre en place ce budget contributif. Donc, quand on a des ES, on appelle ça des entrepreneurs salariés, qui ont envie d'aider les autres entrepreneurs salariés à acquérir leur posture entrepreneuriale et qui proposent des ateliers, ils peuvent se rémunérer via le budget contributif. Il y a une coopération entre ES pour y arriver à trouver à ce que chacun arrive à vivre de son activité. Ouais. Je pensais en termes, si on parle de solidarité, par exemple, si sur l'activité de traductrice-interprète, admettons, pour une raison ou une autre, il y a un projet qui peut pas être livré en temps et en heure pour la deadline parce que il y a une absence, parce qu'il y a une maladie ou autre. Est-ce que il y a dans grands ensembles d'autres traducteurs, traductrices, interprètes qui ont les mêmes langues de travail? Il y en a. peuvent prendre des beautés. Ah, voilà. Alors, dans ma branche d'activité, pas trop, parce que déjà, comme je suis assermentée, j'ai pas le droit de déléguer. J'ai pas le droit de sous-traiter. J'ai une interdiction formelle à ce niveau-là, donc moi je me sens pas. Par contre, il y en a assez peu. Je sais que dans ma branche d'activité, souvent les traducteurs-interprètes sont auto-entrepreneurs, mais parce qu'ils connaissent pas le statut, tout simplement. Hein. Parce que je pense qu'ils auraient beaucoup à gagner, justement, surtout qu'on est payé avec un lance-pierre. En tout cas, pour ceux qui sont assermentés et qui sont payés par la justice, on est payé au bout de 6 mois, des fois 1 an. Donc ça permet, quand cette possibilité de cagnoter et de se verser des salaires tous les mois, quel que soit le chiffre d'affaires mensuel, c'est quand même souvent assez confortable. En tout cas, dans ma branche d'activité, non. Et par contre, dans d'autres branches d'activité, par exemple, pour ce qui est de répondre à des appels d'offres. Quand ce sont, parce qu'on a aussi de la personne publique comme client, hein, dans beaucoup d'activités. Et là, quand il y a un appel d'offres, souvent on est plus fort à plusieurs, à monter le projet ensemble. Ah oui, oui, c'est en ça que c'est justement qu'il y a vraiment solidarité. Voilà, là effectivement, les entrepreneurs salariés vont pouvoir s'associer pour un projet bien déterminé ou pour un appel d'offres bien déterminé pour pouvoir être en mesure de répondre à toutes les conditions de l'appel d'offres qui ne rempliraient pas forcément individuellement, c'est quand même difficile de travailler. Voilà, exactement. Individuellement, ce serait difficile à remplir toutes les conditions de l'appel d'offres, alors que là, en s'associant avec leurs différentes compétences, ils y arrivent, ils peuvent remplir l'appel d'offres, avec toujours la coopérative à l'arrière qui est là pour... Oui, au niveau administratif, comptable, tout ça. Au niveau administratif, qui va gérer tout le truc, quoi, de toute façon. Je pensais aussi sur l'entraide. En fait, des fois, on peut aussi s'entraider en se conseillant des clients, parce que, par exemple... moi, je sais que j'ai fait un peu de développement informatique et je sais qu'on m'a dit il y a tel client qui a besoin de compétences. Moi, je suis pas vraiment spécialisé, j'ai pas forcément le temps de prendre ce contrat-là. Mais par contre, toi, ça peut t'intéresser. Je pense que t'es plus spécialisé là-dessus. Il y a l'entraide qui peut se faire aussi comme ça. Ça aide beaucoup. Enfin, ouais. Oui. Et puis par groupe de métiers, hein, il y a par exemple pour la formation, ils ont vraiment créé un groupe de métiers à part entière où ils se réunissent régulièrement. Comme je suis pas dedans, je sais pas exactement ce qu'ils font exactement, mais c'est vrai que il y a moyen de mutualiser pas mal de choses en fait. Et puis c'est vrai qu'en traduction en fait. Comme tu le dis, il y a beaucoup de traducteurs qui sont auto-entrepreneurs ou micro-entreprises ou autres, mais il y a aussi des entreprises. Je sais que j'avais fait un stage à une entreprise, il y a Magata en fait. Eux, ils employaient des traducteurs en freelance en fait dans leur pool de traduction. Est-ce que ce genre de dispositif c'est possible aussi en fait? Oui, ce serait tout à fait possible. On facture comme un entrepreneur classique, ouais. Donc on peut totalement faire des prestations de services, facturer à n'importe quel type de client. Ça, c'est pas du tout un problème. Alors après, le seul truc, c'est que quand vous êtes auto-entrepreneur à grands ensembles ou dans une CAE, généralement vous payez la TVA, enfin vous facturez la TVA. Alors que beaucoup de traducteurs-interprètes ont un chiffre d'affaires tellement faible annuellement qu'elles ne facturent pas à la TVA. Enfin, il n'y a pas de TVA. Donc forcément, elles sont peut-être plus... Au niveau des tarifs, moi, pour être compétitive, je suis obligée, si je ne veux pas être plus chère que tous mes collègues, je suis obligée d'absorber la TVA dans mon bénéfice, quoi. Enfin, Puis c'est vrai que la position assermentée, en fait, c'est du coup, c'est de la traduction juridique, si je me trompe pas, en fait. Et du coup, enfin, là où sur le gros marché de la traduction, il y en a beaucoup qui font ça un peu de façon plus sauvage, qui ont pas forcément le diplôme, le cachet de tel organisme, etc. Ah oui, oui, il y en a, oui. Puis là, l'IA est en train de les remplacer, quoi. Moi, ce qui, c'est aussi, quoi. Donc là, de plus en plus, le métier de traducteur est en train d'être totalement modifié, puisqu'on fait, on fait traduire par l'IA et après, on fait relire par un traducteur. Ah, donc ça devient plus de l'édition, en fait. Ça devient plus de l'editing maintenant, la traduction. Bon, pas dans mon cas, parce que je suis assermentée, c'est ça encore qui me, pour l'instant. Peut-être que si un jour le ministère de la Justice décide de nous remplacer, voilà. Mais bon, voilà. C'est en tout cas, pour l'instant, effectivement, on est appelé par la justice, quoi. On travaille pour le ministère de la Justice et donc dans les prisons, dans les commissariats, pour les gardes à vue, dans les tribunaux, pour les procès, enfin voilà, ce genre de choses. Et tout ce qui est formalité, procédure administrative, où les gens sont obligés d'avoir une traduction assermentée pour des adoptions, des naturalisations, des régularisations de situations administratives, etc., etc., voilà. Mais donc ça, pour l'instant, on est un peu préservé quand on est assermenté, mais c'est vrai que mais ça c'est un autre débat, quoi, je dirais. C'est vraiment l'IA qui est en train de aussi qui va emmener beaucoup de changements structurels dans pas mal de métiers, quoi. Et justement, comme on disait que c'est un type de contrat trop peu connu, qu'est-ce qui vous y a amené? Comment en avez-vous entendu parler ou... Ah ben moi j'ai une chance phénoménale, hein. J'ai été guidée, on va dire, voilà quoi. J'étais vraiment sur la page en train de faire ce qu'il fallait pour devenir micro-entrepreneur, pour avoir mon numéro de ciré. Oui. Et le téléphone a sonné à ce moment-là. Incroyable. voilà. Un collègue d'Alternativa à l'époque qui commence à me dire, puis quand je lui dis que je suis en train de devenir micro-entrepreneur, il m'a dit surtout ne fais pas ça. Surtout qu'à l'époque c'était encore le RSI pour les indépendants. Oui, pour la protection sociale. Pour la protection sociale des indépendants, à l'époque, elle était quand même assez mauvaise. Il fallait tout avancer et on était remboursé fois 6 mois après. C'était vraiment, surtout en tant que... J'étais mère célibataire. Il suffit qu'un enfant tombe malade ou que vous tombez malade et c'est fini, votre vie s'arrête. Il y a des sommes payées par minute. Il m'a dit, surtout ne fais pas ça. Et puis là, c'est là qu'il m'a parlé de grands ensembles. Et effectivement, quand on est mère célibataire... c'est quand même confortable de pouvoir avoir la protection sociale d'un salarié, quoi. Hein. C'est l'enfant qui tombe malade, ceci, cela, on n'est pas obligé de... Soi-même qui tombe malade. Même si nous-mêmes nous tombons malades, c'est pas notre vie qui s'arrête du jour au lendemain parce qu'on touche plus rien, on n'a plus rien, on ne peut plus travailler, donc plus de revenus. Il faut en plus payer les soins parce qu'ils ne sont pas pris en charge, on est remboursé 6 mois plus tard. Bon, là, c'est plus le cas. Je sais que maintenant, les indépendants, ils ont changé ça. Mais à mon époque, c'est vrai que c'était particulier. Particulièrement important d'être bien protégé dans ma situation, la situation sociale qui était la mienne à ce moment-là. Donc j'ai pas hésité, je connaissais pas du tout mais ce coup de fil qui est arrivé pile poil providentiel, on va dire, ce coup de fil providentiel qui est arrivé pile poil au moment où je m'apprêtais à devenir auto-entrepreneur, j'ai pas hésité une seconde. Il m'a raconté ce que c'était et j'ai dit c'est ça qu'il me faut. En plus, j'ai un peu une phobie administrative, hein, donc gérer l'URSSAF. Franchement, là, j'ai pas mon entreprise à gérer en fait. Moi, je gère que mon activité. D'accord. Et c'est là où je trouve que pour les personnes en situation de handicap, ça peut être particulièrement aussi intéressant surtout quand il y a un handicap cognitif, de pouvoir s'alléger un peu l'esprit en n'ayant pas l'entreprise à gérer, donc tout ce qui est administratif, quoi, la TVA, même au niveau impôt, pour remplir ma fiche d'impôt, c'est facile, quoi. Je suis salariée. Oui, c'est ça. C'est d'une simplicité. Quand je vois mes collègues, parce qu'on est sur interprètes des Hauts-de-France, on est sur un réseau WhatsApp. Quand je le vois le moment de la feuille d'impôt, ils sont tous là. Mais qu'est-ce que je dois mettre alors? Ils sont là en train de se prendre la tête. Comment je remplis et tout? Alors moi, j'ai aucune difficulté. Je sais comment je remplis. Je suis salariée, quoi. Donc voilà. Par contre, il faut quand même avoir un petit peu une notion de comptabilité. Enfin, je ne sais pas. Non, même pas. Non, même pas. Non, même pas, parce qu'il y a un logiciel, d'ailleurs, qui est commun à toutes les coopératives, qui s'appelle l'outil. Ouais. Qui est aussi un... Il suffit de remplir les logiciels. La comptabilité, c'est vraiment la CAE qui le fait. Okay. Oui, elle gère totalement la comptabilité. Oui. Hein. Oui. Vous, par contre, vous gérez de remplir quand même de vos factures, quoi. Oui. Il y a le logiciel, l'outil, donc qui est utilisable chez vous, et vous devez quand même rentrer votre client, rentrer votre produit, rentrer votre facture. Mais là encore, elle n'est pas validée tout de suite. C'est-à-dire qu'il y aura quelqu'un, il y aura votre gestionnaire d'activité, celui qui vous accompagne, puisqu'on a tous un gestionnaire d'activité attitré, qui va vérifier que votre facture vous l'avez fait correctement, hein. Donc dans tous les cas vous êtes accompagné dans tout le oui, parce que une facture c'est très réglementé, extrêmement réglementé, puis là il y a la facturation électronique qui arrive. Ah oui, en plus, là oui. Pareil, je vois mes collègues qui sont en entrepreneurs individuels et qui paniquent, disent, oh là là, facturation électronique, ceci cela, alors que moi c'est pas moi qui les grands ensembles qui gèrent. Moi, j'ai pas de problème. Voir du coup l'outil derrière, enfin l'entreprise et l'outil. Oui, oui, voilà. Tout est déjà. En fait, la facturation électronique, ils y sont déjà depuis longtemps. Bah oui. Donc, mais je vois que tous mes collègues qui sont auto-entrepreneurs et qui voient arriver ça, ils le voient arriver avec énormément d'anxiété. Donc, oui. parce que ça va quand même chambouler pas mal de choses dans leur activité, quoi. Oh. Et même s'ils sont pas soumis à la TVA, ils doivent quand même. Parce qu'ils peuvent avoir des clients qui, eux, le sont. Ah oui, d'accord. Donc, dans tous les cas, ils sont obligés d'y passer, quoi. Ah oui, parce que c'est lié à la TVA, cette histoire. Oui, c'est par rapport à la TVA. Donc, à partir du moment où vous êtes en mesure d'être facturé par un client qui, lui, est soumis à la TVA, il faut que vous puissiez être en mesure de recevoir sa facture et donc d'avoir une plateforme qui reçoit ce genre de facture. Okay. Donc, voilà. Donc, vous voyez que quand si vous avez des phobies administratives ou de ce genre de choses, vous adorez, vous êtes passionné par votre activité, mais que le reste, là, c'est aussi une solution qui est idéale pour vous libérer l'esprit de tout ce qui est administratif. Toute cette réglementation qui est de plus en plus pointue. Ouais, mais justement, tant qu'on y est, on peut peut-être parler de tes missions, ton organisation et de ton rôle de référente handicap, du coup. Alors, mes missions, c'est-à-dire plutôt l'organisation de la coopérative. Et un peu, parce qu'elle est reliée aussi, elle fait partie d'un réseau en même temps. Elle est reliée à de nombreuses autres structures. On est dans un réseau déjà au niveau des Hauts-de-France. Hein. Mm-hmm. Ah oui, oui. Donc, il existe une fédération nationale des CAE, auquel on est affilié d'ailleurs. Et il y a le réseau des Hauts-de-France avec Olécop, je crois, qui est un mouvement un peu informel, mais qui est quand même actif. Et puis, nous, notre mission, c'est tout simplement d'offrir une nouvelle... on est une société de personnes, quoi. Oui. C'est de donner une alternative au capitalisme, quoi. On n'est pas une entreprise capitaliste, du tout. Oui, c'est ça, avec d'autres valeurs. On est une société de personnes. Donc, quand on vous dit les parts sociales, oui, on a des parts sociales, mais le but, on n'est pas des actionnaires, quoi. Oui, c'est totalement... On est des sociétaires, c'est vraiment différent. Oui, oui. Et les parts sociales, notre but, c'est pas de les faire fructifier ou quoi au cas. Non, je crois qu'il n'y a même pas de... Comment on appelle ça de dividendes. Oui, il n'y a pas de dividendes, il n'y a rien de tout ça. Enfin, je veux dire, on est vraiment... Le but de devenir sociétaire, c'est d'avoir une voix à l'Assemblée générale, c'est tout. Donc, on n'est pas du tout une société. Et encore, à l'Assemblée générale, en plus, c'est une personne, une voix. Une personne, une voix, quel que soit, effectivement, le nombre de parts qu'on a. Et l'objectif principal, c'est quand même l'utilité sociale, l'ancrage local. Oui, tout à fait. Et l'humain avant le capital. Et puis, de toute façon, on est un peu subventionné par la région. On est subventionné par la région des Hauts-de-France qui nous demande... De nous développer sur la totalité du territoire. Oui. Donc, si effectivement, il y a cette volonté de la région de promouvoir ce modèle, pas seulement sur la métropole lilloise, mais sur vraiment tout le territoire des Hauts-de-France, quoi. Donc, on s'y attelle, quoi. On s'y attelle. On a cette volonté-là. Et est-ce qu'il y a d'autres sources de financement comme l'Union européenne ou... Non, pour l'instant, c'est que la région, mais région est cofinancée par l'Union européenne. Bon, donc, cofinancé. D'accord. Mais ce n'est pas directement l'Union européenne, mais c'est la région qui est cofinancée, cofinancement. D'accord. Et je pense que, oui, je reviens un peu sur la question de Morgane. Je pense que c'était plutôt, quels sont tes... est-ce que tu as du coup, j'imagine que oui, comment tu contribues en fait à la vie de la coopérative dans une activité qui serait autre que ton activité principale ? Oui, bah alors, personnellement, j'ai décidé de devenir membre du conseil d'administration. Oui. Et c'est en tant que membre du conseil d'administration que, parce que quand on rentre dans le conseil d'administration, on nous demande, est-ce que vous avez un projet pour la coopérative? Est-ce que vous avez envie de porter quelque chose pour la coopérative? Et c'est là où j'ai dit, moi, j'ai envie de devenir référente handicap et j'ai envie qu'on développe une vraie politique handicap à grands ensembles, ce qui est en train de se faire, donc, en coordination avec, en collaboration avec la GFIP actuellement. Donc là, on est encore en train d'élaborer notre politique handicap. On est vraiment dans le processus de le faire. Donc, on est avec des copiles, ils appellent ça, là. C'est la GFIP, ça, c'est les termes de la GFIP. Mais les comités de pilotage, tout ça. Bon, donc là, on est en train de mettre en place notre politique handicap avec plusieurs partenaires, là encore, puisque on est localisé au Bazar Saint-Saul. Et au Bazar Saint-Saul, il y a d'autres associations ou organismes qui travaillent dans ce milieu-là. C'est donc, ce qu'on appelle un lieu de coworking, comme on dit maintenant. Oui, c'est un tiers-lieu. Voilà. Il y a des bureaux à cet endroit-là, du coup. Il y a des bureaux. Il y a des bureaux. Donc, grands ensembles et locataires qui payent un loyer pour avoir des bureaux au Bazar Saint-Saul, quoi. Mais il y a d'autres bureaux, il y a d'autres locataires, voilà. Et puis après, il y a les parties communes qui sont partagées par tout le monde. J'en profite pour souligner que chaque personne de la adhérente à la CAE, la plupart du temps, travaille chez eux, j'imagine, oui, ou en coworking, dans des espèces de coworking. Et là, on parle vraiment des bureaux pour les salariés qui gèrent l'association c'est les au quotidien. De grands ensembles. Voilà. Oui. Parce qu'il faut, à chaque fois, il faut vraiment séparer la structure grands ensembles, qui a sa propre existence avec son propre, il y a une équipe salariée permanente. Il n'y a pas que des ES à grands ensembles. Il y a aussi des salariés permanents qui gèrent la structure. C'est ceux qui s'occupent de la paye, c'est ceux qui s'occupent de l'URSSAF, de toute la partie administrative, justement. La fameuse facturation. Délègue, là, parce qu'on, qui gère la partie administrative de nos activités. Et après, si un ES a besoin pour recevoir un client, parce que des fois, c'est vrai que pour des gros clients ou des gros contrats, on n'a pas toujours envie de recevoir quelqu'un chez soi et puis on n'a pas forcément une habitation qui est adaptée à la situation, on peut louer pour une journée, pour une heure. On peut louer aussi un local au Bazar Saint-Saul pour les ES qui peuvent, pour le temps d'une réunion avec un client ou le temps d'une réunion, quelle qu'elle soit, peut louer. Donc, je ne connais pas les tarifs parce que je n'ai pas encore eu besoin de le faire, mais en tout cas, c'est faisable. On peut louer, même pour une formation, si on a plusieurs élèves, si on a 15, 20 élèves pour un stagiaire à accueillir, on va louer une salle pour les accueillir et faire notre formation en présentiel. Voilà, ça, c'est aussi faisable. C'est un tiers-lieu, quoi. Hein, surtout, ça va pas choquer le client parce que l'adresse officielle de l'entreprise, c'est là-bas. C'est là-bas, de toute façon. Oui, tout à c'est fait. C'est pas notre habitation comme les autres entrepreneurs. Les factures sont dans l'ensemble, de toute façon. Hein. Notre nom est dessus aussi, évidemment, puisque de toute façon... Mais pas notre adresse personnelle. Pas notre adresse, non. Contrairement, Demander aussi. Donc, le grand ensemble... bien sûr, elle s'occupe de personnes qui ont un projet, mais en priorité, est-ce que c'est des gens qui sont en situation précaire plutôt ou bientôt en situation de handicap comme Je pense qu'au niveau des subventions qu'on reçoit de la région, il y a aussi une... je ne les maîtrise pas parce que ce n'est pas moi qui m'en occupe, mais il me semble qu'il y a une condition comme ça qu'effectivement. Ah oui. Si c'est une personne, si on peut sortir des gens du RSA, ça fait partie des conditions de la région aussi justement d'avoir cette volonté d'accompagner des gens vers l'emploi, quoi. Sais que chez Opteo, s'il y avait des personnes, du coup, c'était un peu spécifique, très spécifique, justement, où une grosse partie du salaire de la personne était payé par des aides, en fait, qui étaient liées à sortir quelqu'un de la précarité. Souvent liées aussi avec les quartiers prioritaires de la ville, les QPV, c'est ça. Il y a aussi ce genre de choses qui fait que je pense qu'ils peuvent être utilisés par les CAE, comme d'autres entreprises peuvent les utiliser pour... Parce que moi, à mon époque, quand j'ai adhéré à Grands Ensembles, j'étais au RSA à la base. Hein, j'ai passé 10 ans à l'étranger. Quand je suis revenue en France, j'ai recommencé ma vie à zéro. Donc, j'ai redémarré ma vie en France avec le RSA. Et je sais qu'à un moment donné, on m'a demandé une attestation, justement, pour justifier, pour les subventions. Ah oui, d'accord. Voilà, voilà. Donc, du coup, pour prouver que j'étais bien sortie du RSA grâce à Grands Ensembles. Je pense qu'effectivement, ça fait partie des... Après, ce genre de dispositif, il change tout le temps à chaque fois qu'il y a un ministre qui change. Donc... Oui, ah, après, je ne sais pas si c'est encore... Il y en a toujours un, mais ça change tout le temps avec les commissions qui changent, c'est un cauchemar. Ben voilà. Mais en tout cas, oui, il y a cette volonté-là, mais c'est toujours la posture entrepreneuriale. Donc, il y a des rendez-vous qui vont être pris, où on va tester votre posture entrepreneuriale, parce que il faut être capable quand même d'aller démarcher, trouver de la clientèle, quoi. Et ça, c'est pas Grands Ensembles qui va le faire à votre place. Vraiment pas. D'accord. Oui, ça, c'est vraiment donc votre il faut partie... être capable de le faire soi-même. Il faut quand même avoir aussi savoir un peu se vendre, hein, savoir vendre son activité, savoir voilà, il faut être capable, il faut avoir cette posture-là. Donc c'est la seule condition. On reste entrepreneur, c'est important. On reste entrepreneur, quoi. Hein. Donc, faut pas s'attendre. Alors, évidemment, on rentre dans un réseau qui va peut-être permettre, dans une certaine mesure, de trouver des clients plus facilement. Ça dépend de l'activité que vous faites, encore. Hein. Ça dépend vraiment de votre activité. Mais ce sera pas le but de Grands Ensembles, quoi. Si elle peut faire quelque chose pour vous aider à vous mettre en réseau, elle le fera. Mais c'est pas vraiment son but. C'est pas son objet. D'accord. Donc la posture doit venir de vous. Justement, puisque donc Grand Ensemble, en tant que CAE, fait partie de l'économie sociale et solidaire. Est-ce qu'on peut parler un peu de ce que ça représente en France ou... Ben, je crois que vous avez plus de données que moi. Ah oui, alors, je sais que c'est à peu près un peu plus de 10% des emplois, voire 13-14% de l'emploi privé. Que c'est pas des entreprises publiques. Et en tout cas, pour ce qui est des Hauts-de-France, pour ce qui est des CAE, oui, il y a 8 CAE dans les Hauts-de-France qui représentent 15 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé pour les 8 CAE et qui représentent 840 entrepreneurs. Ah, oui. Pour les Hauts-de-France. Hein. Pour les Hauts-de-France, oui. Donc voilà, là, ça c'est ce que je peux dire de l'ESS dans les Hauts-de-France au niveau des CAE. Après, des CAE. Moi, j'ai les chiffres de l'ensemble de l'économie sociale et solidaire qui regroupe aussi les SCOP, les SCIC. Enfin, encore qu'une CAE peut mettre en SCOP, je crois. Oui, Grand Ensemble est une SCOP. Ah oui, d'accord. Oui, on est une SCOP, hein, de toute façon. Et il y a des SIC aussi. Alors, on a essayé de passer en SIC, mais bon, priori, c'est pas le bon moment. Donc, au niveau global en France, pour tout ce qui concerne l'ESS, c'est 17,5% de l'emploi, 14% dans l'emploi privé. C'est 2,370 000 salariés, à peu près, et plus de 220 000 établissements. Voilà, pour quelques chiffres. Moi, j'aurais une question par rapport à ça, c'est quels sont vos liens avec d'autres ESS, en fait, ou d'autres coopératives, par exemple Il y a aussi une fédération, je crois. Il y a une fédération nationale. Après, je parlais plutôt, pas des CAE, mais peut-être que vous encouragez à avoir des clients qui sont aussi dans le mouvement des coopératives ou de l'ESS. Ah non, ça, au niveau des forcément. Clients, par non. contre, on n'a pas... la CAE n'interfère pas dans l'activité de l'entrepreneur salarié. Hein. C'est pas elle qui va lui dire comment choisir ses clients. Ou plutôt des fournisseurs. Enfin, je sais pas, par exemple, la banque, l'assurance, Grands Ensembles, en tant que structure, va plus... davantage faire appel pour ses propres besoins. Ouais, c'est ça. Effectivement, elle va se mettre au crédit coopératif. Elle va pas se mettre dans une banque, voilà. Elle va aussi... Alors, l'outil, par exemple, c'est le logiciel qu'on utilise. Pareil, c'est un système qui est propre aux coopératives. Hein. C'est quelque chose qui a été développé coopérativement. Et voilà, donc il y a aussi Harmonium. Grands Ensembles va utiliser effectivement pour ses propres besoins des prestataires qui sont dans le réseau de l'ESS. Parce que ça, c'est important parce que ça permet de faire grossir les coopératives, en fait. C'est ce réseau-là, enfin, permet de faire grossir le chiffre d'affaires global des coopératives parmi les oui. entreprises privées, quoi. Oui. Par exemple, il y a les cigales, je vois aussi oui. les acteurs, il y a les cigales, il y a Tremplin. Sur les financements. Ah oui, les ça aussi, c'est de l'ESS, hein. Oui, tout à fait. Oui. Initiative est citée, c'était pas. Je pense que ça a eu un rôle aussi dans la création de Grand Ensemble. Oui, oui, en 2006. Ça a été oui. créé en 2006 à Arras, Grand Ensemble. Oui. Et c'était effectivement dans le contexte d'initiative et cité. Ah d'accord. À l'époque, ouais. Sur, ouais. Mais c'était à l'époque aussi. Alors, moi, j'étais pas là en 2006. Hein. Mmh. J'étais même pas en France, donc j'avoue que j'ai complètement loupé ces débuts-là. Je maîtrise pas super bien cette historique, mais je sais que au départ, ça a été, il y avait Smart. Il y avait Smart Belgique. Ah oui, Smart. Oui. Il y avait Smart Belgique qui après a créé Smart France. Et c'est dans Grands Ensembles au départ était Smart était actionnaire non sociétaire de Grands Ensembles et elle avait pratiquement toutes les parts de Grands Ensembles et ça a été créé dans ce contexte-là avec Smart Initiative et Cité. C'est vrai etc. qu'en Belgique je pense que c'est plus connu les CAE justement avec Smart ou alors ça n'existe plus je crois. Alors Smart est en liquidation judiciaire du fait que justement le lien avec la Belgique a permis à Pôle emploi de considérer que... Parce que Smart, c'était essentiellement des intermittents du spectacle. Ah oui, c'est ça, oui. Qui bénéficiaient donc du statut de l'intermittence. Mais il n'y avait que des Français, hein, mais ils bénéficiaient de l'intermittence. Mais Pôle emploi est venu dire à un moment donné, oui, il y a une tentative de fraude, c'est la Belgique qui veut bénéficier du statut français oui, de l'intermittence. Qui l'avait pas, c'est pour ça qui que veut profiter, qui veut profiter du statut français de l'intermittence. Donc du coup, du jour au lendemain, ils ont refusé, Pôle emploi a refusé le statut de l'intermittence à tous les personnes en CAE. Toutes les personnes qui étaient en CAE, et donc de, Smart, ouais. en particulier de Smart, parce qu'ils avaient un lien avec la Belgique. Ouais, ok. Donc là, il y a le procès est encore en cours, hein, parce qu'évidemment, c'était pas du tout ça. Hein, c'est pas du tout parce qu'il y avait aucun Belge en plus à Smart France. Ouais. France donc voilà, c'était vraiment pas ça. Mais bon, le conflit est encore en cours devant les juridictions administratives. On verra bien où ça mène. Mais en attendant, Smart a fait faillite, hein, parce que du jour au lendemain, elle a perdu tous ses ES. Ouais. Hein, puisqu'ils ne pouvaient plus bénéficier du statut de l'intermittence, donc ils ont repris, ils ont quitté le statut. Évidemment, une CAE vit du chiffre d'affaires de tous ses entrepreneurs. Oui, s'il n'y a plus d'entrepreneurs... Il n'y a plus de CAE. S'il n'y a plus de S, il n'y a plus de CAE. Oui, et d'ailleurs, vous reversez un pourcentage du chiffre d'affaires Il y a 1%, je crois. Les 13%. 13%, oui. 13%, et après, il y a une partie de notre salaire aussi qui part. Oui. Ça a augmenté récemment. Avant, c'était 10%, c'est passé à 13%. Ah. Mais effectivement. Pour participer aux frais de fonctionnement de la salle. On revient dans le portage salarial classique, oui, c'est-à-dire qu'il faut. Il y a quand même un travail qui est fait par la coopérative. Hein, puis elle a une équipe de permanents à rémunérer. Hein, il y a quand même 7 ou 8 permanents à Grands Ensembles. Donc, il faut payer ses salaires. Il faut payer les salaires, hein, il faut payer le loyer, il faut payer les charges de la structure. Mais bon, pour moi, c'est j'achète une tranquillité d'esprit, quoi. Voilà. Puisqu'on parle de l'économie sociale et solidaire, pensez-vous qu'elle puisse apporter des solutions face aux des solutions véritable quoi. Concrète, oui. Face au problème du chômage, de la précarité, de la souffrance au travail aussi. Et enfin, quelles sont les perspectives d'avenir ? Est-ce que ça peut encore se développer ou... Pour toutes les personnes qui ont une vraie compétence, je ne parle pas de diplôme là, hein. Je parle de compétence. Oui. Parce que c'est pas, on ne sort pas forcément de l'école avec des compétences, même si on a un diplôme. Oui, quoi, c'est hein. vrai. Mais pour toute personne qui a une vraie compétence et qui démarre, quoi, qui démarre une activité seule, parce qu'être seule et être dans un réseau, c'est complètement différent, quoi. Être auto-entrepreneur et devoir démarrer tout seul, et puis après que la complexité administrative qui ne fait que croître d'année en année, avec par la facturation électronique, ça, pour beaucoup, ça va quand même être un vrai problème. Je pense que c'est Parce qu'on n'est pas obligé d'y rester ad vitam aeternam hein, dans une CAE. Hein. Mais pour démarrer, pour des jeunes, pour des gens qui sont un petit peu, pour qu'ils soient un petit peu en dehors du système depuis trop longtemps, pour des gens qui ont une vraie compétence, je pense que c'est vraiment irremplaçable comme solution, en fait. D'accord. Et pour tous ceux aussi, pour les mères célibataires aussi. Ah oui, oui, oui. Parce que là, on est maître de notre temps, quoi. C'est pas une affaire, l'enfant est malade, c'est pas une affaire qu'il faut commencer à demander l'autorisation à un employeur pour avoir le droit d'aller le chercher à l'école. Non, c'est là pour concilier vie pro, vie perso, ce qui est vraiment très cher aux nouvelles générations. Oui. Là, c'est idéal. Franchement, c'est totalement idéal puisque vous n'avez pas de subordination juridique. Donc, a priori, vous êtes libre d'organiser votre temps comme vous voulez, quoi. Et justement, là, récemment, enfin, j'ai trouvé donc sur le, enfin sur Facebook, donc sur le réseau des SCOP et des SCIC, il y a une bande dessinée qui vient de paraître qui s'appelle Changer le travail, l'utopie et la construction des CAE. Donc c'est une plongée graphique, pédagogique et drôle dans un modèle de travail encore trop méconnu. C'est l'œuvre de ce projet, c'est Justine Ballon, Pierre-Laurent Dautre, Paul Duflo et Claire Markovic. Et Justine Ballon est elle-même employée en CAE. Ça, c'est une première. Et aussi, il y a un film en Bretagne. Donc, c'est Mélanie Offrère, qui est réalisatrice, et qui tourne actuellement Pourquoi pas nous, qui est l'histoire, en fait, de mareyeurs dont l'entreprise fait faillite et qui vont vouloir recréer leur scope. Donc, c'est un film qui devrait bientôt paraître. Voilà, je peux vous laisser le... Sur le film, c'est une SCOP, c'est pas forcément une CAE ou c'est... Oui, parce que les coopératives agricoles existent depuis très très longtemps. Oui, je crois même que le modèle de la coopérative ça rejoint l'économie. Oui, de l'économie sociale et solidaire. Oui, ouais. Tout à fait. Bon, on va terminer là-dessus. Voilà. Ben, merci beaucoup pour les informations. De rien. Et on passe une petite pause musicale. La santé, l'amour sont précaires. Pourquoi le travail échapperait à cette loi ? Laurence Parisot. On te prend, on t'essore, on te jette, on te vire. On te prend, on t'essore, on te jette, on te vire. Tu travailles pour des miettes, en plus il faut sourire. Tu travailles pour des miettes, en plus il faut sourire. Et ils veulent que cela soit pire. La sécu, la retraite, bientôt des souvenirs. La sécu, la retraite, bientôt des souvenirs. Les loyers, c'est la fête, mais pas pour ta tirelire. Les loyers, c'est la fête, mais pas pour ta tirelire. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Y'a pas ça, y'a pas ça, y'a pas ça, basta, y'a. Matraques disent de bien se tenir. Les télés, les matraques disent de bien se tenir. C'est la peur qui remplace les rêves d'avenir. C'est la peur qui remplace les rêves d'avenir. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Y'a pas ça, y'a pas ça, y'a pas ça, pas ça, y'a. Y'a pas ça, y'a pas ça, y'a pas ça. On te filme, on surveille tes soupirs. On te fiche, on te filme, on surveille tes soupirs. Orwell dans sa tombe n'a pas fini de rire. Orwell dans sa tombe n'a pas fini de rire. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Y'a pas ça, y'a pas ça. Sans papier, sans logement, juste bon à offrir. Sans papier, sans logement, juste bon à offrir. Tes deux bras, ta sueur, pour nos villes à construire. Tes deux bras, ta sueur, pour nos villes à construire. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Y'a basta, y'a basta, y'a basta, basta, y'a. Y'a basta, y'a basta, y'a basta. Si tu veux réussir, mort ton voisin si tu veux réussir. C'est la rage du gagnant, il faut vaincre ou mourir. C'est la rage du gagnant, il faut vaincre ou mourir. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Y'a basta, y'a basta, y'a basta, basta, y'a. Y'a basta, y'a basta, y'a basta, basta, y'a. Y'a basta, y'a basta, y'a basta, y'a basta. Pas imaginé quand même que c'était. Donc c'était Yabasta de la compagnie Jolimo, mais vous êtes bien sur Radio Campus 106.6 MHz et vous écoutez Angle d'attaque. Et on va passer à l'actualité, c'est ça, René ? Oui, on peut, oui. Donc, alors, ouais. Sur le plan national, on commence vendredi 29 mai, Assemblée Générale de Total Energy. Une action dénonce le soutien public français à l'expansion fossile du groupe. Ce 29 mai, des militants d'attaque d'Avaz et de 350 organisations, de 350 orgues et d'Action Justice Climat Paris ont organisé une action visuelle sur le parvis de la Défense le jour de l'Assemblée Générale de Total Energy pour dénoncer le soutien financier et politique dont continue de bénéficier le groupe malgré ses profits massifs, ses projets fossiles en cours et leurs impacts humains, climatiques et environnementaux. Et mardi 2 juin, un sondage dans le cadre de la campagne « Désarmons les multinationales », l'opinion publique massivement favorable à ne plus verser d'aide publique aux entreprises qui pratiquent l'évasion fiscale. Attac a commandé un sondage à l'Institut IFOP, donc intitulé « L'opinion des Français sur le versement d'aide publique aux entreprises ». Il révèle que 70% des sondés et des sondées soutiennent notre proposition. Pas d'aide publique pour les entreprises qui pratiquent l'évasion fiscale. Parallèlement, ce même jour, Attac publie une note intitulée « Zéro aide publique pour les multinationales qui pratiquent l'évasion fiscale », qui revient là sur le manque de transparence autour des aides aux entreprises. Vous pouvez télécharger la note sur le site d'Attac France. Et enfin, toujours mardi 2 juin, dans le cadre de cette campagne, des militants et des militantes d'Attac ont escaladé l'Alcor Arena à Bercy pour y déployer une banderole de 40 mètres affichant « Des milliards pour les multinationales, Bercy beaucoup » face au ministère de l'Économie et des Finances. Et aussi, alors, du 13 au 17 juin 2026 à Genève, une mobilisation contre le G7 déviant et son monde. Attac était signataire de l'appel. Face au G7 qui s'est réuni à Évian du 15 au 17 juin pour planifier la destruction des peuples, l'exploitation du vivant et la domination des corps, la mobilisation contre le fascisme et l'impérialisme menée par la coalition NO-G7 a été largement suivie. Dimanche 14 juin, des milliers de manifestants ont participé à la marche anti-G7. Pour rappel, créée en 1975, le G7 perpétue l'héritage d'empires qui ont construit leur richesse sur le dépouillement du monde. À eux seuls, les 7 pays du G7 concentrent plus de 50% des dépenses militaires mondiales. Ce n'est pas une fatalité, c'est un choix politique. D'autres choix sont possibles. Le lundi 15 juin, note contre les marchands de guerre et leur monde. Parallèlement au sommet du G7, Attac publie une note pour dénoncer la fuite en avant militariste et l'influence des lobbies de l'armement. Comment l'industrie de l'armement profite du climat de guerre, influence politique et profit record. Les armes engendrent des crises, pas la paix. La course aux armements doit cesser. Oui. Et enfin, ici un communiqué dont Attac est signataire. Manifestons contre tous les racismes dimanche 21 juin 2026 à Paris. Après la réussite du rassemblement initié à Saint-Denis à l'appel de Bali Bagayoko, où plus de 15 000 personnes ont répondu présentes le 4 avril 2026, nos organisations de la société civile considèrent que le 21 juin, nous avons la possibilité d'amplifier encore le mouvement en manifestant à Paris avant les festivités de la fête de la musique pour affirmer la large cohésion de la société contre tous les racismes, les discriminations, la haine de l'autre et en faveur de l'égalité des droits. Cet appel s'adresse à toutes celles et ceux qui refusent de renoncer, humanistes, antifascistes, antiracistes, et à toutes celles et ceux qui assument de combattre les actes et les propos racistes qui se généralisent au sommet de l'État. Il s'adresse aussi à la jeunesse, aux universitaires et intellectuels, aux artistes, aux médias, aux féministes, aux sans-papiers, aux acteurs et actrices engagés pour la paix, en passant par les syndicalistes, les associatifs, les quartiers populaires, les sportifs et sportives, et toutes les forces vives de la société. Déterminés, ensemble, partout, face à l'extrême droite, pour l'égale dignité de tous les êtres humains, nos organisations appellent à rejoindre largement le cortège du 21 juin 2026 à Paris. Le rendez-vous est à 14h à Barbès. Ce qui laissera le temps d'aller à la fête de la musique de LFI après. Tout à fait. Au plan local, 30 et 31 mai à Paris. Assemblée générale de l'UGDT, donc l'Union pour la gratuité et le développement des transports publics, des membres d'Attaque Lille y étaient présents. Jeudi 11 juin, réunion des trois comités locaux Attaque de la métropole, bilan des actions passées, donc tractage sur Total Énergie, la participation envisagée à la manifestation contre le méga-canal Seine Nord prévu en juillet, compte rendu de la rencontre des comités locaux, donc des RCL, des 30 et 31 mai par une militante du CL de Villeneuve-d'Ascq, plusieurs thèmes sur le danger de l'extrême droite. Proposition d'action locale en partenariat avec d'autres organisations sur le danger de l'extrême droite. Organisation d'un débat public envisagé. On va s'arrêter là parce que l'heure tourne. Merci. Et donc, restez sur Radio Campus. Dans un instant, c'est l'émission El Barrio Jazz. Il écrase les fleurs, c'est à cause de son tout-terrain puisqu'il est con. Ducteur, attention, petit lapin. C'est toute la forêt qui commence à s'ébranler. Prévenu par la chouette, voilà le papa de ta poupinette qui vient te coller une branlée. Thierry le chasseur a une grosse allure puisqu'il est con. Vaincu d'avoir vu une belette coller un pain à un tout petit lapin, il est con. Travaillé d'avoir pas pu sortir son fusil pour se payer une grosse boucherie puisqu'il est con. Spécial de son parti pour aller jeter des œufs pourris sur les congressistes écolos. You stepped out of a dream. You are too wonderful to be what you see. Like yours, could there be smiles like yours, honest and truly? You stepped out of a cloud. I wanna take you away, away from the crowd, and have you all to myself alone. Dream safe in my like yours, could there be smiles like yours, honest and truly?